C'est l'histoire d'une fille de la terre qui un jour rencontre un chat noir qui parle, qui vit ses pouvoirs et sélectionne Abu comme chef des étoiles. Pour vous dire en deux mots, Buni c'est la fille qui est devenue une magical girl. Elle décida de combattre les forces du mal, mais quand elle les affronte, à chaque fois il y a un homme masqué, fringué comme un clown avec son chapeau de taré. Et cet homme masqué, c'est Lord Moonlador, car il l'a souvent sauvé. Dis-moi c'est Lord Moon, dis-moi pourquoi les forces du mal veulent s'emparer de tes pouvoirs. Dis-moi c'est Lord Moon, je voudrais bien savoir pourquoi ils t'ont choisi, toi qui es bête comme un anchois. Monotsuki. Peu après avec toi pour garder le cristal, y'a Sailor Mercure, l'intello de la classe. Y'a aussi Sailor Mars, une prêtresse de je ne sais plus quel culte en fait. Ouais c'est bête. Y'a Sailor Jupiter, un caractère de rebelle agressif et chouette. Ouais, dis-moi c'est Lord Moon, oui dis-moi pourquoi les forces du mal veulent s'emparer des pouvoirs. Dis-moi c'est Lord Moon, je voudrais bien savoir pourquoi ils t'ont choisi, toi qui es bête comme un anchois. Y'a Sailor Vénus qui est super canon, et plus tard il y aura les autres marins au nom. Y'a une Sailor pour chaque planète de la voie lactée mise en tête à Pâques. Au moins pour résumer, Sailor Moon c'est comme les chevaliers du Zodiac. Dis-moi Sailor Moon, oui dis-moi pourquoi les forces du mal veulent s'emparer de tes pouvoirs. Dis-moi Sailor Moon, je voudrais bien savoir pourquoi ils t'ont choisi, toi qui es bête comme un anchois. Monotsuki.